Jeune, belle, riche, libre, par Auguste Mariot. Pour Maryse d'Albert, la vie s'ouvrait. Elle avait 23 ans et elle était veuve. Après une jeunesse terne, comprimée dans une vie de famille austère et froide, elle avait été, de par les impérieuses objurgations de parents rigides, vouée à un de ces mornes mariages de raison où l'amour est considéré comme une chose superflue, voire inconvenante. Or, la destinée venait de lui ouvrir les portes d'un nouvel avenir où, dans quelques coins, qui sait, pouvait peut-être se trouver le joli bonheur. Veuve, jeune, belle, riche, libre, elle sentait sourdre en elle toutes les sèves de la vie, s'éveiller toutes les aspirations vers l'idéal et surtout vers l'amour. Et c'est à l'amour qu'elle comptait vouer sa vie, à un amour, bien entendu, à un bel amour, à un grand amour, un grand beau rêve qui emplirait toute son âme de son lumineux rayonnement. Cet amour, elle l'attendait. Après un deuil décent, Maryse avait commencé, pour mettre de l'ordre dans ses idées et mieux s'évader des grisailles du passé, par voyager. Seule, cela va sans dire. Elle avait bouclé ses malles, consulté, le guide en main, l'attirance des divers horizons, puis, un beau matin, elle avait pris le sud européen et était partie pour l'Hypérie. 3 mois déjà, elle avait promené ses rêves dans cet immense jardin fleuri, sous ce beau climat ensoleillé, et s'apprêtait, non sans regret, à rentrer à Paris, où l'attendaient ses relations mondaines, ses vagues amies, et, elle s'y attendait aussi, nombre de soupirants, que sa situation de veuve aisée allait rendre plus insupportablement entreprenante. Ce jour-là, Maryse faisait sa dernière promenade sous le radieux soleil de cette jolie capitale qu'elle allait bientôt quitter, quand le hasard de ses pas songeurs la conduisit devant un beau parc planté de palmiers et de sycomores où un jet d'eau chantait dans un grand bassin de marbre. La grille, une grande grille dorée, était ouverte. Quelque parc public, sans doute, qu'elle ne connaissait pas. Elle entra. Elle se dirigea le long d'une allée qui contournait ce grand bassin, admirant les grands parterres soignés où s'épanouissaient en éclatantes nappes les plus superbes fleurs quand elle s'entendit interpeller « Madame !» « Madame !» Elle se retourna. Un personnage vêtu d'une livrée galonnée qui tenait un peu de l'uniforme venait vivement vers elle. « Vous êtes sans doute étrangère. Ça se voit. En effet. Je comprends alors que vous ignoriez que ce lieu est tout à fait privé. Il est interdit au public. Le factionnaire qui est à cette grille aurait dû vous en aviser. » En ce moment même, un jeune homme en veston de sport débouchait d'une allée en compagnie de 2 grands et fins lévriers blancs. À 10 pas derrière lui, suivait un officier en tenue de service. Le jeune homme lévrier s'arrêta, considéra quelques secondes Maryse et intervint galamment. « Laissez, laissez, » dit-il en souriant au gardien, qui venait de se figer à son approche dans une attitude de déférence. « Madame est étrangère, et j'ai entendu, double raison, pour se montrer hospitalier et courtois. » Et tournant vers la jeune femme des prunelles de chatoyant en velours sombre, « Ce parc a eu le bonheur de vous séduire et d'attirer vos pas, madame. J'en suis heureux. Daignez m'accorder de la grâce de vous en faire les honneurs. » Mais, monsieur, cette appellation inaccoutumée, sans doute, fit sourire le jeune homme. « Excusez-moi, » exprima Maryse devant le sourire du jeune homme et celui de l'officier à quelques pas, ainsi que du haussement de sourcils scandalisés et sévèrement désapprobateur du personnage en livrée. J'use involontairement à votre égard du terme que j'aime à entendre dans votre bouche. On ne vous appelle peut-être pas ainsi? Si, mon père et ma mère, quelquefois. Ah, fit Maryse saisie. Vous êtes parisienne, sans doute? Parisienne, oui. Ah, Paris, fit avec un soupir le jeune personnage au lévrier. Habiter Paris et pouvoir y vivre libre. « Mon Dieu, » sourit Maryse, « je vous avouerai que je bénéficie de tout cela sans trop savoir qu'en faire. Sans doute, puisque voler en Hypérie. En passante. Oh, je repars après-demain. Ce sera, madame, un regret pour notre pays. » Ils avaient, tout en causant, fait un petit tour dans les parterres, dont Maryse ne pouvait se lasser d'admirer les splendides fleurs. Son courtois cavalier en cueillit une petite botte qu'il disposa en bouquet. Daignez accepter ces fleurs qui vous font garder peut-être le souvenir de ce parc et de notre rencontre. J'accepte ce bouquet avec le plus vif plaisir et vous en exprime ma plus sincère reconnaissance. Soyez assuré que je garderai en effet le meilleur souvenir de ce parc et de notre rencontre. Maryse avait exprimé ce remerciement avec une spontanéité si vive qu'elle en éprouva une sorte de confusion. Quelque peu troublée devant les noires prunelles chatoyantes de l'inconnu aux fleurs, elle se hâta d'ajouter « Mais je dois m'excuser, il faut que je rentre. » Ces deux prunelles semblèrent lui dire « Quelqu'un vous attend, peut-être ?» Mais, courtois, les lèvres ne formulèrent rien. Le jeune homme la reconduisit jusqu'à la grille et lui baisant galamment la main. « Moi aussi, » dit-il en souriant, « je compte aller à Paris très prochainement. Mais pas pour me distraire. Ah, combien je serais heureux, si le hasard pouvait de nouveau, comme aujourd'hui, guider nos pas l'un vers l'autre. » Il regarda s'éloigner sa fine et gracieuse silhouette, puis il siffla ses deux lévriers et s'éloigna à son tour à travers le parc, suivi par son officier. Maryse regagna son hôtel toute rêveuse. Qui était ce personnage qui avait souri malgré lui quand elle lui avait donné l'appellation de monsieur et qu'elle ne savait ensuite trop comment appeler? Quelque très haut personnage sans doute, mais si courtois et si simple. Ah, certes oui, Maryse garderait, sans avoir besoin de ce joli fleur, le souvenir de cette rencontre et celui surtout de ces deux disques de velours qui la caressaient de la douceur profonde de leur regard, et celui aussi de cette voix et de ce juvénile sourire. Et lui, garderait-il aussi son souvenir? Maryse, coquettement, en avait l'impression. Oui, quelque grand seigneur, quelque très grand seigneur. Dommage.